spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Émance canadienne. Merci l'artiste. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Bonsoir, comment ça va? Bon, tranquillement, nous allons nous placer. Faut pas se gêner. Choisissez votre meilleur siège. Prenez votre plus beau verre. Mettez-y ce que vous voulez. Avec beaucoup d'amour, tout ça passe très bien. Sinon, j'espère que dans votre demeure, tout reste calme, tout reste vivable. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le 14 juillet, ben, nous dérogeons à nos habitudes. On fait rarement comme le plan de match. C'est ce qui m'intéresse. C'est ça l'anarchie. Déconstruire, mais pour mieux comprendre. Il faut comprendre avant de déconstruire. Alors pour mes amis, ici, d'ici et d'ailleurs. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant de lever. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes.

sans nos désirs, nos rêves fous, et sans ce monde qui fut nous. Que croyons-nous, qu'espérions-nous? La terre, elle tournera sans nous, avec nos façons de vivre, et puis c'est tout. Ça, c'est de mon... Ça, ouais, c'est de la compo vibratoire en direct. Là, vous allez me trouver. Est-ce que vous me trouvez, madame? Oui! Oui! Oui, vous m'avez dans vos céréales, Alphab... Oh, vous avez écrit Rénal Gagné. Que c'est gentil. Lorsque vous le prononcez, Rénal, est-ce que vous placez le D? Parce que moi, je l'écris R-A-Y-N-A-L-D et j'adore lorsque les personnes me disent « Reynald » en forçant le dé « Reynald ». Et là, j'accours en disant « Oui, c'est moi-ze qui m'appelle, qui me fait frétiller les tympans. » Ma collègue, elle m'appelle Ronald. « Ronald! Ronald! » Eh mon doux Seigneur, moi qui haïs ce genre de restaurant-là. Des idées, on l'a dit, des idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord. Même sur le gazou, ça peut délirer. Si un mec voit passer la chance et qu'il ne l'attrape pas, c'est vraiment un imbécile. Yvon Deschamps a fait, un humoriste québécois a fait, connaissez-vous madame Yvon Deschamps? Méchant. Mais il n'est pas méchant, Yvon. Ah, il est drôle, mais il n'est pas méchant. Avec nous, peut-être avec sa femme, là. Mais ça, c'est... Ouais, c'est pas... Ce qui reste dans la... Faut pas sortir ça de la... Voilà. La recette du creton, Madame Thibodeau, faut pas la divulguer à personne, ça reste dans la famille. Au même titre qu'il y a des divulgations internes qui ne doivent pas s'extrapoler en dehors de la société. Même s'il y a des voisines et des voisins qui sont à leur fenêtre levée, bien sûr, pour entendre tout ce qui se passe dans le quartier, histoire de raconter ce qu'ils ont entendu à leur manière. J'ai bien dit à leur manière. C'est pas vrai, ce qui s'est passé, là. En fait, c'est une poussière de vérité qui devient un rocher percé. Y en a-tu des gens qui en percent des rochers? C'est bondé, madame. C'est bondé, monsieur. C'est bondé, madame. Moi, c'est Ronald. Mais c'est bondé de personnes qui placent à leur manière la réalité qui ne l'est pas véritablement puisqu'ils l'ont amalgamée à leur manière. C'est comme ça que les chicanes commencent. Ils ont une compréhension assez ordinaire de la réalité. Ils voient à leur façon ce qu'il arrive. Puis là, ils recrachent avec un peu de... Non, à peine de vocabulaire, à peine de structure intellectuelle pour amener quelque chose d'intelligible. Ils bégayent. J'ai rien contre les gens qui souffrent de cette maladie, le bégaiement, car c'est une maladie. J'en fais partie. Donc, c'est de prendre cette petite réalité minable, parce qu'ils n'en ont pas dans leur vie tous les jours. Monsieur, madame, tout le monde qui... Hey, la télé, les on appelle ça les soaps, les chopes, les chips, les romans savons. Hey, ça, j'aime ça, les romans savons. On n'utilise pas ça. C'est fini, les romans. On n'en parle plus. On dit des soaps. Moi, c'est des soupes à l'échalote. Mais faut, non, mais s'il te plaît, faudrait que tu coupes l'échalote beaucoup plus menu. Mais je vais le couper moi-même. Amène-moi les échalotes. Tu parles d'un air bête, toi. Tu t'es levé de même ou c'est de naissance? Ta mère, c'est ta progéniture. Ton arrière. Bon, elle peut pas parler. C'est facile de mettre ça là-dessus, là. Ah, oh, c'était les conquérants. Oh, toi, tu deviens... Oh, t'es né dans la conquête. Ah, mon doux Seigneur. Alors, ton passé, ce sont des gens qui ont conquis. Bon, peux-tu me conquérir un peu l'échalote? Quoi qu'il en soit, donne-moi-en au moins 3-4 livres d'échalote. Ah, c'est vrai, on est rendu au kilo. Ça fait comment 3-4 livres ou en kilo? C'est au moins 8 kilos. Attendez un peu, on va prendre le temps de prendre le temps. Calendrier, il est en avec ça. Calculatrice, fuseau horaire, chronomètre, tâche, note. Calculatrice de pourboire, hein, mon mousse pour manger. Convertisseur, bon, devise, longueur, poids, hein, en livres. Bon, on a dit livres, kilos. Bon, j'ai dit amène-moi 6 livres, disons. 6 livres d'échalotes. Ça veut dire, madame, 2,7 kg. Amenez-moi 2,7 kg d'échalotes. Ça paraît plus intellectuel que 6 livres. Hein. 6 livres, on voit que le gars est né il y a longtemps. La conversion ne l'a pas aidé à progresser dans la vie. J'étais encore au pied, moi. Ah oui. Pied dans le derrière, pied en avant. C'est un genre de sumo des temps modernes. Quoique les sumo, ça a de la misère à lever le pied, ça là. Oh! Mais pour lever le bras, mais histoire de manger, là, oh mon dieu! Mais là, je reste tranquille avec les sumo. Si je me mets encore des ennemis aussi colossales que des sumo, faut être un peu imbécile, hein? Tu rencontres, imaginez-vous, ça peut être drôle. Mais ça peut être drôle. C'est vendredi, c'est plaisant, là, on est vendredi aujourd'hui. Dernière journée de la semaine. On se donne le droit de sortir. Alors, on va dans un bar. Là, tu rentres dans le bar, accompagné d'une jeune fille que tu veux conquérir. On parlait tantôt de la conquête, là. Pour atteindre l'inaccessible. T'es coincé où, toi? Dans le roman savon. Ah non, en pain, ouais. Mais il faut aussi que... Tu connais pas la... Ben, voyons. Ce qu'ils ont fait, les insignifiants, vous savez, ils ont pris une barre. En fait, c'est un moule de beurre. OK, un moule de beurre à savon. Puis ils ont mis la crème pour que ça durcisse, ça devienne du savon. Ils m'ont oublié à l'intérieur. Ils m'ont on est en 2017, on arrive à minimiser les gens. On dit t'es un minant, t'es un moins que rien. Là, tu diminues, là, tu crois plus trop en toi, puis tu te renfrognes, tu rentres en toi, puis on dirait que tu deviens petit. Tout est petit dans notre vie. Mais moi, je suis devenu tellement... miniature. Puis là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de tu sais, l'odorama, moi, je fonctionne, je suis un odorateur, moi. Un odorateur de l'odorama. Ça sentait tellement bon. Fait que là, je me suis levé. Je mesure à peine en livre. Ah, je peux... Un livre comme ça, là, d'une insignifiance. Tiens, le silence des anus. Des banos, en tout cas, un petit livre de rien, là. Disons, une nouvelle de Frank Chesper. J'espère que vous le connaissez. Petit, là. En tout cas, un livre d'à peu près 50 pages, OK? Alors, j'étais monté là-dessus parce que je suis tout petit. Je vous dis, je suis tout petit. Ils m'ont... En fait, ils m'ont pas, c'est moi-même, je suis... Tu sais, la régression, mais moi, c'est au niveau de la longueur. Mais ça... pas fait ça partout, là. Mais en tout cas, ça aussi, c'est une autre affaire. Ça fait que, là, j'ai voulu monter, ça sentait tellement bon. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, c'est au-dessus, ça avait l'air d'un lac pollué, crémeux. Là, je me suis comme, hein, il tirait le corps. La main est tombée de l'autre côté, dans le savon mou, qui commençait à durcir tranquillement. Fait que là, je rentre ça devant, je prends ça de mon côté, là, je le sens. C'est merveilleux! Là, curieux comme moi, tu sais, c'est un signe d'intelligence, la curiosité. Je monte par-dessus le moule, pouf! Je tombe dans le moule, de l'autre côté, dans le savon. Puis là, le savon commence à durcir. Là, je me creverai pas de même, fait que je vais me creuser un espace pour que l'oxygène passe. J'ai quand même des petites connaissances, là, moi, là. Des petites connaissances. Fait que là, je me fais un genre d'halo. Un halo, je sais que c'est en haut, là, mais une bulle, tiens, je me fais une bulle. Une bulle. Une bulle vide où je peux respirer, mais dans une senteur extraordinaire. Hey, j'ai jamais senti ça de même. Puis ça dépend comment tu le fais ton savon, mais elle connaît ça, là, la madame. Et puis là, ben, je me suis dit que lorsqu'elle va s'utiliser, elle va utiliser le savon sur son corps, il va fondre, comme ça je vais pouvoir sortir, glisser sur son corps. Hey, glisser sur son corps, mais je sais pas c'est qui la dame. Ou la demoiselle, je ne sais même pas si, tu sais, ça peut être un jeu d'enfant, puis ils vont frictionner, puis là, je vais sortir entre les doigts d'enfant, puis je vais tomber dans le trou, fini. Je sais pas comment, tu sais, mon émission peut se terminer là. Tombe dans les égouts. Tu sais, la petite fille, hey, regarde la main, monsieur, regarde la monsieur, monsieur est tout petit, hein, pond dans le thé, au lieu de la reprendre, là. Là, sa mère, hey, donc, t'as trop d'imagination, magicienne, beaucoup trop d'imagination, à ton âge. Hey, on essaie d'étouffer l'imagination des enfants, ça n'a pas de bon sens. Puis une autre affaire qui n'a pas de bon sens, puis enlève l'écho, là, on sort du savon. Il y a quelques jours, j'étais en train de servir une mère, ou je sais pas, en tout cas, une mère qui l'a eu vieux, là, qui l'a eu vieille, qui l'a, en tout cas, ça va bien les enfants, madame. Oui. Une dame à peu près, là, cinquantaine avancée, qui avait un enfant d'à peu près 10-11 ans. Elle a eu sur le tort, sans doute. Puis là, le petit garçon s'est pris un lait au chocolat. Un berlingot. Arrivé à la caisse, sa mère avait fait des emplettes. Puis là, le petit garçon, « Oh, je suis pas certain si je vais le prendre. » Là, la mère, elle dit, « Arrête donc! Hey, t'es pas une fille! » Et là, j'arrête un peu. Je se calme tranquillement les articles. « T'es pas une fille! Nous autres, les femmes, on est de même. On sait pas. On n'est jamais certaines. » Mais les gars, normalement, ils savent que quand c'est ça, c'est ça. Je pense que je t'ai manqué. Hey, elle dit ça à son fils. Puis ça, c'est pas une blague. Là. Le petit garçon était là. Je dis, tu parles d'une imbécile farouche, d'une imbécile inconsciente. Elle descend son enfant pendant que devant le public. On appelle à l'école. À l'école, on appelle ça taxer les enfants. Non, pas taxer les enfants, mais on appelle ça la ça me vient pas, là. La cruauté mentale. Sa mère est en train de l'abaisser devant moi, puis devant le patron, puis devant bien des gens. J'ai dit, tu parles d'une connasse. Une vraie connasse. Je parlais pas, je la regardais. Elle voyait bien que là, ça fonctionnait pas entre moi et elle. Là. J'ai dit 53 et 88, s'il vous plaît. J'ai dit carte de débit, crédit, argent. Normalement, je blague, là. Je suis rigolo dans la vie. Mais quand j'entends des conneries semblables, puis là, c'est pas sa gardienne, c'est pas la voisine. Elle l'a mis au monde. C'est une frustrée à deux pattes, retin. Les cheveux étaient... Je veux pas rire de... Non, ça c'est facile, l'humour esthétique, ça c'est facile. Mais en tout cas, elle aime son enfant hein, pour l'écraser de même. Elle va surprendre à un moment donné à 16 ans. « Hey, il s'est suicidé, Amanda! Hey, connasse! » T'as commencé tranquillement à le tuer, puis tu le savais même pas, t'étais même pas consciente. On peut-tu avoir des permis à un moment donné pour mettre au monde? Je suis éberlué par la société, souvent éberlué. Ça me jette par terre. Pas besoin de pleurer de bananes, moi, là. Les bananes, madame. On va remonter ça, vous allez voir. C'était ma petite crise d'honneur. Non, mais sans blague, là. Il n'y a personne dans la rangée qui a réagi pour prendre la... Moi, je pouvais pas. Ben, je pouvais pas. J'aurais peut-être pu, mais là, il y avait tellement de monde que si je me serais placé là pour intervenir, la filée se serait peut-être prolongée. Mais écoutez-moi, avoir été seul avec cette connasse, ce cornichon, peroxydé, et le petit garçon de 10-11 ans, croyez-moi qu'une leçon de vie se serait passée là. Croyez-moi. Et je trouve inacceptable que l'on diminue, que l'on traite ainsi les enfants. Ils sont à la recherche, là. Hey, on les met au monde dans une poubelle. Hey, ça, c'est bon. Hey, c'est la terre. On appelle ça la terre. Mais hey, mon petit Gaétan, c'est la terre. Ouais, je sais, là. Non, respire pas trop, là. Ouais, je t'ai acheté de l'oxygène. Non. Ben, je t'aime tellement. Hey, je t'ai mis au monde. OK. On va respirer ensemble, mais c'est parce que je... Ben oui, t'as une priorité parce que je t'aime tellement. Enfin, lui, il aime son enfant. Imagine le gars qui a voulu faire un enfant avec cette affaire-là. Ça s'est pas fait normalement, là, tu sais. Hey, bonsoir, la PSS. Mon nom, c'est Gaétan Brisebois. Je me suis acheté un gros magasin de musique, moi, là. J'ai à vendre des pianos à queue, des trompettes, des trombones et des rivanes. Des rivanes. C'est des rivanes. Ouais, j'invente des instruments de musique. Moi, là, écoute, là, j'en fais de l'argent, moi, là. Puis je te trouve pas mal, là, tu sais. Pas mal flou, là. Hey, la tequila est en spécial. Veux-tu t'amuser avec moi, toi? En fait, j'aurais peut-être préféré d'autres personnes, mais t'es seul avec moi dans le bar. Qu'est-ce que c'est ça, ce bar, là? C'est où, ça? C'est perdu dans l'espace. Oh. Écoute, c'est bien qu'on soit deux. Un gars, une fille. Sinon, je serais parti avec un autre gars. Moi, là, je peux virer de même, moi, là. Mais bon, on prend bien ce qu'il y a là. C'est comme ça qu'elle a eu ça. Donc, bon, là, vous allez me demander l'histoire du savon. Oh non, on va l'arrêter là, OK? On va remonter à la surface. Puis on va dire pour rigoler un peu, parce que c'est une mission humoristique. Bon, on va dire que, en fait, ils ont utilisé le savon parce que ça s'appelait... En fait, les enfants ont nommé ça du savon par les pépins. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas mis beaucoup de ça fondait plus rapidement que les autres savons. Donc là, tous les enfants étaient autour pour examiner combien de temps prendrait le savon avant de se diluer. Ils ont mis ça dans l'eau. Aucun petit a serré l'objet dans ses mains. Donc, ils ont examiné lentement. Après 5 minutes, il y a eu une craquure, une césure en plein milieu du savon. Puis là, ça m'a servi comme un bateau. J'étais dans le milieu. Là, j'ai dit, vois-tu les enfants? J'ai dit, hey, un monsieur. Et là, la maîtresse d'école, là, parce qu'elle avait vécu Woodstock, elle-là, puis elle avait déjà eu une affaire de même dans sa vie, tu sais, ouais, exactement. Pendant le spectacle de Jimi Hendrix, il y avait des flaques d'eau, là, d'eau, puis elle avait vu un petit bonhomme comme ça. Mais c'était pas vrai, là, à l'époque, mais là. Elle va voir la directrice. Directrice, venez voir, il y a un petit monsieur dans le savon. Elle dit, voyons donc. T'es surmenée, ma belle Isabelle. Non, venez voir. Elle tire par la jupe. Là, la jupe tout croche. C'est un sein qui sort. C'était merveilleux. C'était le carnaval de Rio. Elle arrive devant le lavabo. Elle regarde dans le savon. C'est un erreur et elle dit « Bonjour! Hein? » Ben voyons donc! Là, j'ai expliqué, sortez-moi de l'eau, faites-moi sécher, puis je vais revenir à ma grandeur naturelle. Puis placez-moi sur un siège, parce que quand je vais grandir, là, ça va se faire en même pas 30 secondes. Alors là, elle s'exécute, elle croyait pas vraiment ce qui se passait là. Elle s'imaginait que c'était Houdini, ou je sais pas, qui était ressuscité, puis qui faisait un tour exceptionnel. Ça fait qu'elle me met sur une chaise, avec des barreaux. Je me tiens, ma petite fille, mon petit monsieur, ma petite dame, sur un des barreaux, puis là, j'ai dit, faites fonctionner le ventilateur. À place, là, j'ai dit pas à plein régime, là. Ventilateur sur 4, là, mettez ça à 1,5. Là, le vent se prend sur mon corps, puis ça commence, et là, hop, hop, hop, plus je sèche, plus je grandis, plus j'atteins presque ma grandeur naturelle, et voilà. C'est de la magie. Ah, c'est une belle histoire, les amis! Eh oui! Dans les manifs, rien ne sert de partir à point, il faut courir! Extrait du sketch L'étudiant, en 1980. Je la redis, je l'adore. Dans les manifs, rien ne sert de partir à point, il faut courir! Les psychiatres, c'est très efficace. Moi, avant, je pissais au lit. J'avais honte. Je suis allé voir un psychiatre. Je suis guéri maintenant. Je pisse au lit, mais j'en suis fier! Extrait du sketch Médecin sans diplôme en 1986. Deux sortes de gens me font rire. Ceux qui le font exprès, hein? Ceux qui le font exprès, on en connaît, et ceux qui font sérieusement des choses sérieuses. Il tourne la page. Mesdames, un conseil. Si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent, prenez-en trois! Extrait de l'émission TV Coluche, un faux. La vie est finie quand tu ne reprends plus personne. La vie est finie quand tu... Ah, non, pas... Madame, oui, bon, il y a le déco. Madame, avez-vous la... Pouvons-nous appeler la dame? Il faudrait trouver avant le magnéto. Où est le magnéto, madame? Oh, mon Dieu Seigneur! Il y a tout ici, sauf un magnéto. J'ai même un contrôle de caméra HD-DVD. Mais l'HD-DVD est dans l'étui, donc ça va très bien. Alors donc, on va recommencer. La vie est finie quand tu ne surprends plus personne. Voilà. Cité par Bernard Pascual, dans le livre du souvenir de Coluche. Bon. L'instabilité est nécessaire pour progresser. Si on reste sur place, on recule. Extrait de L'horreur est humaine. L'avant-dernière, c'est pas vraiment de ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y changerait rien. Oh, ça c'est les restos du cœur. Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. Extrait du journal France Soir du 7 novembre 1975. Sinon, dans ma vie et dans la vôtre, on se maintient. On essaye de... Ah, ben oui, le mieux, c'est d'essayer de garder le cap. Essayez. Si tu n'essayes pas, tu n'auras aucune satisfaction. L'intérêt, c'est de tenter le tout. Et moi, je vais prendre le tout pour le trou. Je suis un ancien joueur de pétanque, là, des boules. Moi, j'aime ça, les boules. Mais les boules dures, là, mettez ça sur le cochonnet, puis on va... Comment ça, on appelle ça un cochonnet? Non, moi, je m'en pose-tu des questions, moi? Moi, je suis né en me posant des questions, je vais mourir en posant la dernière question. Et quelle sera la dernière question, M. Gagné? Pourquoi? Pourquoi le monde est sans amour? Moi, je ne sais pas. pas. Alors dites-moi pourquoi. Pourquoi? Pourquoi dans la vie on se rend compte que tout s'entremêle et tout s'amalgame? En un mot, que tout se mêle à tout ça. Il se mêle à tout ça dans la campagne sèche, une odeur d'autrefois, presque un bruit de calèche. Le bus près du bistrot déposé contre moi lors de l'Eldorado, mon esclave et mon roi. Il se mêle à tout ça comme un parfum de poudre, comme un crime de joie, comme un lent coup de foudre. Moi grêle et lui si fort, lui mûr et moi si verte, nous joignons tous nos ports, mille portes ouvertes. Un écho d'opéra, un souvenir de voix, criant dans l'au-delà. Nous habitions tous deux cet instant suspendu dans la blancheur du feu, le paradis perdu. Il se mêle à tout ça, un doux vent d'agonie, un gémissement bas, traînant toute la vie. L'affreux goût du regret dans la campagne vide empoisonne à jamais mon cœur extra-lucide. Il se mêle à tout ça dans la campagne sèche, une odeur d'autrefois, presque un bruit de calèche. Pendant ce troisième mois, j'ai d'abord pensé que le bébé et moi, on pouvait se sauver mutuellement la vie. Qu'en ayant les deux la corde au cou, on établirait entre nous un pari d'endurance. Extrait de Folle de Nelly Arcan. Aujourd'hui, le vendredi 14 juillet 2017, l'errance. Ça va, comment ça va? Un peu enrhumé. C'est très rare que j'attrape ça, moi, ces genres d'affaires-là. Ah, c'est tellement rare que ça me surprend. Ça fait au moins 20 ans que j'ai pas eu ça. Je vous le dis, 20 ans qu'aucun microbe ne m'aimait. Puis là, je sais pas, je suis comme... Oui, je suis content. Je me dis que je suis de plus en plus humain. Ça me rend plus attachant. Oui. Plus attaché aussi, ben. Ouais, mais ils n'ont plus le droit de. Non, la ceinture de. La camisole de. La lobotomie. Tout était. Ils l'ont essayé trois fois. Ils m'ont dit que j'étais. Il restait pur. Le poisson rouge, on pouvait comme... Exactement. Oui. Oui. D'accord. Hey, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le cri primal. Le cri primal. Connaissez-vous ça? On en parlera dans les semaines qui suivront cette émission. Peut-être nous l'entendrons, mais je ne peux pas faire ça ici, puisqu'il faut être à un endroit dans la nature, avec pas trop de personnes autour, même personne, puis un bon magnéto, des bonnes oreilles. Puis faites-vous-en pas, vous serez prévenus, histoire de vous acheter des bouchons. Parce que le cri primal, là, ça décoiffe, madame. Ça décoiffe. Puis si vous venez de vous faire une belle coiffure, là, hein, parce que c'est le mariage de votre petit dernier, Gaétan, enfin, il se marie. 52 ans, on n'y passait même plus. Moi, personnellement, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. Un peu comme les personnes âgées, là, 97 ans, là, assises dans leur chaise, puis... Il m'a oublié en haut, il m'a oublié. Je mourrai jamais, voyons, viens me chercher. Comment ça va? C'est, hein? Oui, mais sincèrement, je pensais même pas que ce gars-là pouvait se marier. Je pensais même pas qu'une femme pouvait s'intéresser à autant d'insignifiance à deux pattes. Son hobby, vous voulez savoir quels sont ses loisirs? C'en est gênant. C'est d'astiquer. Là, on a parlé tantôt de sa boule de pétanque. Lui, il n'y en a pas deux, il y en a une. Puis c'est l'inventeur de l'aimant de la boule de pétanque. C'est-à-dire que comme il est tellement radin, c'est un vieux riche. De un, c'est un vieux riche. De deux, c'est une jeune qui veut avoir son argent. Donc, il s'est amouraché. C'est la jeune qui a bien vu que ce gars-là avait quelque chose de pécunier. Hein? Il y avait de l'avenir, là. Il va mourir bientôt, là. Au pire, il y a de la mort au rat, toutes ces affaires-là, ça existe, là. Puis c'est quand même... Ils disent ça dans les émissions exactement, de police, de fraude et puis de mortalité, puis hein, de couples qui se divisent par hein, l'assurance. Ils ont un million d'assurance, étrangement. M. Thibodeau, qui ne savait pas nager, s'est fait creuser une piscine. Sa blonde l'a échappé! Il savait pas nager, il est en fauteuil roulant, il est mort! Elle a bien essayé, elle a fait du mouche à mouche, puis oh mon dos, elle va hériter d'un million. Elle l'aimait, elle torchait, puis elle savait que c'était pas pour longtemps. On y va. On va jouer au préposé aux bénéficiaires, mais pendant pas très longtemps, puis c'est plus payant. Fait que là, imaginez-vous! Le ticoun s'est marié avec Mademoiselle Magali Mellan. Maison, c'est plus Mellan. C'est plus Mellan qu'autre chose. Parce que quand je l'ai rencontrée la première fois, cette jeune créature, elle étudiait. Elle était étudiante en. Elle faisait des vêtements sur mesure pour les gens de petite taille. Fait que, comme elle n'avait pas... Pourquoi? Ben, vous allez me dire pourquoi elle s'intéressait aux gens de petite taille. Elle n'avait pas les moyens d'avoir des gros... s'acheter une grande règle pour mesurer. Fait que là, elle s'est bien rendue compte que pour percer, puis on sait tous que des vêtements classiques, standards, ben, il y en a partout. Tandis qu'il n'y a pas beaucoup de stylistes qui s'intéressent aux personnes de petite taille. Puis, ce sont des coquetteries, eux aussi, là. Puis, ils ont une vie à vivre, puis il faut qu'ils soient heureux. Puis, bon, la mode n'est pas juste pour le monde normatif. Elle s'est lancée là-dessus, puis juste simplement et uniquement parce que sa règle était trop petite. Puis, elle pouvait pas prendre les Claudia Schiffer de ce monde. Et elle a eu un succès, mais elle n'avait pas les moyens de s'acheter du tissu, puis tout ça. Mais elle a rencontré cet insignifiant-là. Dans un... Oui, exactement, dans une tombola. Où il jouait de la trompette. Parce que monsieur, à part d'astiquer sa boule de pétanque, puis avoir inventé l'aimant pour reprendre sa boule de pétanque et la retirer une autre fois, il aime bien ce qui est en... Tu sais, ce qu'il faut faire reluire, là. Il chaînait sa trompette, mon ami. Il la faisait briller. Chaîner, c'est un... Excuse-moi, ouais, c'est un anglicisme. Je reprends. Je m'en suis rendu compte, là. Fâchez-vous pas. Appelez pas l'OLF, Office de la langue française. Merci beaucoup. Bon. Alors, il faisait briller, hein, avec un chimineau. Alors, avec du poêle, mais du poêle doux, très, très doux, puis une petite cire, la trompette. Il s'était procuré ça à Paris, dans un bazar, et c'était celle de Boris Vian. Pas pire, hein? Elle l'a connu, là, il jouait de la trompette. En fait, il essayait de jouer, il accordait. Il était dans l'orchestre, puis il accordait. Il était tout croche. Elle l'a trouvé tellement ridicule et elle a fondu en larmes. Elle a tellement fondu qu'elle est partie dans ses larmes, puis ils l'ont jamais retrouvée. Mais à un moment donné, elle s'est ressaisie, elle s'est reformée, puis elle l'a mariée. Il se passe-tu des choses dans le monde? Aujourd'hui, le 14 juillet 2017, les errances rhénaniennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de ma préférée, Claudia Meyer. La suite de la semaine dernière. On y va. Bonne écoute. soul in your shoes. Take a left, a sharp left, and another left. Meet me on the corner. We'll start again. Oh, Parce que je pense qu'ils aiment les voix et tout ça. Alors, à la... C'est le rythme. Le rythme, guitare, voix, c'est quelque chose. Si la chanson... Je pense que ça aussi, ça... Mais si la chanson tient avec uniquement une guitare et une voix, c'est une chanson c'est clair. Très forte. Bob Dylan, chanson voix, tu parles. Il s'arrête ici, tu peux la chanter. Mais c'est un petit peu... Et c'est de là que j'ai pris le courage de me dire, maintenant, je vais faire mes trucs de guitare seule. J'ai besoin de personne, voilà. On arrête d'être dans l'attente, des fonds, on y va. Voilà. On est juste une vieille vie, puis il ne faut pas... Tu as tout compris. J'ai souvent trop attendu des autres. J'ai réalisé ton album, il voulait faire ce qu'il voulait, donc moi je n'étais pas d'accord. Donc je préférais ne rien sortir que ne pas être en accord avec moi-même. Et les gens se mettent... J'ai été beaucoup déçue aussi, c'est vrai, parce que les gens voulaient entendre ce qu'ils avaient envie de faire. Et, ouais, c'est ça. Ils veulent aussi mettre au goût du jour. Ça. Oui, voilà. Et moi je ne m'y retrouvais pas, je le faisais. Mais j'ai dit non, ça ne fera rien du tout. Et donc j'ai souffert de ça. De ne pas tout de suite avoir dit, je vais faire mon truc. Mais je vais me prendre en main. Mais équipe, hein? Il n'y avait pas des... J'avais une équipe. Okay. Une équipe. Est-ce qu'ils croyaient en ce que tu faisais en tant que... Bien sûr, mais ils pensaient que justement, ils avaient une autre vision que moi. Ouais, c'est ça. Ouais, ils voulaient que j'aille à l'inverse de ce que je savais faire. Alors, c'était pas une équipe qui était soudée vers ta direction ou vers ta... Plus tard. Mais... Ah, tu l'as su plus tard, okay. Mais combien de... Alors, tu t'es brûlé les ailes là-dessus. Ouais, t'as tout compris. Ouais. Exactement. Mais aujourd'hui, tu as vécu ça, donc tu ne le recréeras pas. C'est quand même une école. Tu as appris ça sur le tas. Donc, les coups durs, ça nous renforce. Bien sûr. C'est rien de négatif. Ah, mais c'est clair. Le problème, c'est le temps. C'est certain, le temps. Oui, le temps. Mais en même temps, c'est la reconnaissance. Parce que quand, avec tout ce métier, au moment où je suis passée seule avec ma guitare, j'étais pas une première partie. Ouais, enfin, sans prétention. Non, hein. Non. Mais c'est évident que j'étais pas une première partie, parce que je chantais depuis déjà 20 ans. Mais les gens, ils le sentaient. Combien que j'avais du métier. C'est donc, ça, combien de concerts depuis le début? Ah, ça en fait. Je suis incapable. Pardon? Je suis incapable de dire un nombre, mais... À un moment donné, quand ça roulait bien... Ah, j'en faisais bien 200, 200... Par année? Ah oui, j'étais toujours sur les routes, et puis... Ça a eu, mais ça, toujours, ça toujours. Ben non, c'était une joie. On prenait la route. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que j'ai basculé, j'ai arrêté le groupe, après je travaille avec d'autres personnes. Après, j'ai fait un autre métier, j'ai fait dans l'événementiel, j'ai fait plutôt des soirées privées. Et ça produisait devant des mariages. Voilà. C'est bien ça. Et j'ai bien gagné ma vie. Oui, c'est payant ça. Je l'ai fait pendant 20 ans, mais parallèlement, je continuais à faire ce que je faisais. Et là, j'avais beaucoup de temps. Et beaucoup voyagé avec ça aussi. Donc ça m'a donné un métier. Mais Charest, ça doit être formidable dans ce travail-là, l'événementiel, parce que tu fais un mariage, tout le monde en parle, puis Eve, est-ce que tu veux faire le mien? C'est la fête de ma fille. Voilà. C'est ce qui s'est passé pendant 20 ans. C'était aussi pour ça que je n'ai pas fait mes albums. Parce que j'étais prise et je n'avais pas le temps de. J'étais pas créatif, ça. Ça, c'est uniquement un job. Oui. Des autres, tu chantes les chansons des autres. Mais c'est un public attentif, ça. C'est... Ils ont mis des sous, donc ils veulent entendre le produit, donc c'est un public attentif. J'ai fait beaucoup ça. C'est là, c'est oui, et puis j'ai bien gagné ma vie. Ouais, là, c'était, ouais. Et là, à un moment donné, là, c'est fini, je veux consacrer. Oui, voilà, t'as tout compris. Échanger de petits spectacles de 20-30 personnes à faire des salles plus réglementaires. Non, c'était quand même des gros mariages, hein. Mais c'était un chef d'orchestre qui était là, j'étais exécutante, quoi. Mais j'ai emmené mon savoir, mais ils ont plus, ça leur a plus apporté à eux qu'à moi. C'est trop longtemps. Et donc, ça aussi, ça m'a ralenti dans ma création, parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être partout. Non, quand on fait, quand on dit entre guillemets de l'alimentaire, on gagne des sous, mais on est pris, on voyage, le machin, on est fatigué, et on n'est pas dans une démarche de créativité. C'est vrai, mais en même temps, tu fais le métier que tu voulais faire. Tu sais, tu n'as pas travaillé dans une boulangerie. Ben alors c'est ça, un luxe, c'est un luxe. Je dis merci mon Dieu, oui, c'est un luxe. Que depuis, je ne sais pas faire autre chose. Oui, oui, mais en même temps, une caisse enregistreuse, ça peut s'apprendre, mais destiné à la musique, tu t'es donné à la musique. C'est venu à moi aussi. La musique, tu n'as pas goûté. Oui, oui. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec mon acolyte, qui ça fait maintenant 20 ans, avec qui on a fait une bonne route, et qui a réalisé l'album Fuego, justement, au studio. Et lui aussi, il a une carrière extraordinaire. Il a réalisé des trucs pour Francis Lalanne. Et avant, il était le batteur de Johnny, de Claude François, de plein d'artistes. Donc c'est vrai, quand je l'ai connu, il était dans le showbiz. Oui. Très. Et moi, j'étais underground Mercedes Sosa. Mais je l'ai connu par un ami qui s'appelle Francis Lalanne. Ah oui. Tu connais Francis Lalanne? Ah oui, Francis Lalanne. Voilà. C'est le vagabond, c'est l'airain. Voilà. Et lui, c'était mon ami d'enfance. Et il a toujours cru en moi. Il a dit à son... Est-ce qu'il y a encore un peu de musique? J'en entends parler à part le dernier album, 92. Oui, ben... C'est dur pour vous. Ça a été dur. Ça a été il reste dur. En banlieue, il n'est pas Non, là, il est en Australie pour l'instant avec sa famille. Okay. Mais il fait beaucoup de théâtre. Okay. Mais ça ne marche plus trop. La nouvelle génération ne le connaît pas. Non. Il s'est un peu brûlé les ailes. Ouais. Il s'est... S'il était resté chanteur, ça aurait marché, mais non. Il a trop dévié. Il a trop... On s'est moqué de lui. Enfin, oui, a... c'est vrai. C'est... Mais quel talent. Quel talent. Oui, c'est vrai. Mais il y avait plein de gens dans ce style-là. Il y avait Maxime Forestier qui faisait à peu près la même chose, guitare. Oui, mais Maxime, c'était avant. Oui, oui, oui, effectivement. Maxime, c'était notre référence. Oui, quand j'ai travaillé avec lui, après, ça, c'est des moments magiques aussi. Ah, bah, un jour, il m'appelle et il me dit, j'adore comme tu chantes, tu vas me faire des voix témoins pour une comédie musicale. Je lui dis, avec plaisir. J'ai dit, tu sais comment je connais tes chansons. C'est ça, tu sais, et je l'aime beaucoup, d'ailleurs, Maxime. Non, Francis, c'était plus tard. Et Francis, il m'a dit... Je vais te présenter mon batteur, c'est mon directeur musical, et il va faire les musiques, moi je te fais les paroles. Et c'est comme ça que j'ai connu donc Marquito. Et puis bon, malheureusement, après on s'est mis ensemble, donc c'était difficile. Il ne comprenait pas mon univers parce que lui sortait de Jimi Hendrix, rock, et moi j'arrivais avec... La musique du monde. On n'avait pas la... Il ne connaissait pas du tout. Vous n'aviez pas la même grammaire. Voilà. Et donc, on s'est cherché pendant 15 ans. Voilà l'attente. Et tout en n'étant jamais d'accord, quoi. Et après, Francis, il a dit, vous disputez, moi, je ne peux pas. Ah, ouais. Donc, après, il nous a trouvé un contrat dans une maison de 10. Et effectivement, on a sorti. Mais moi, je n'étais pas convaincue parce que je trouvais que c'était trop léger. Ce n'était pas ma musique. Moi, j'ai besoin de trucs forts. Mais ton chemin a été difficile à faire comprendre des musiciens. Qui travaillaient autour de moi. Le discours était pas clair pour certains. Parce que peut-être j'ai pas été. Tu n'avais pas les mots pour le dire. Voilà, aussi. J'attendais beaucoup des autres. C'est-à-dire, il va s'occuper de moi, donc je me mettais beaucoup en retrait. En même temps, on se dit, c'est des professionnels. Voilà. Quand c'est des professionnels, ils connaissent le truc. Voilà. Là. Moi, j'arrive. À peine tu es disponible parce que tu dis c'est des gens qui ont travaillé avec exactement. Je veux dire, Francis, ça marchait. Ça marchait pour lui. Il faisait des trucs comme Pantin. Hein, ça n'existait même pas, Bercy. Et donc, Marquito, qui était son. C'était des salles. Alors, quand j'étais au studio, je faisais ce qu'on me disait. Mais c'est là. Et puis, ça, j'ai tranquille, qui était à l'écoute. Mais j'étais jamais contente. Non, mais c'est ça. c'est bien d'être exigeant. Mais j'ai fait ma route quand même, parce que j'ai ce contrat avec une maison de 10, ça m'a emmené aussi d'autres choses, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des... Mais je ne suis pas business, voilà. Non, c'est ça. Pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent pour toi, ce côté-là? Oui, j'avais un manager pendant 10 ans là, sur ces deux albums, mais j'avais beaucoup de connexions. Et là, c'est terminé, tu n'as plus... Non, parce qu'elle ne travaille plus avec moi, bon, elle a eu des soucis, et puis elle a mis pas mal d'argent, donc argent. Donc là, c'est vrai qu'après cet album Fuego, je me retrouve un peu seule. Quoi. Ouais. Je me retrouve un peu seule, mais en même temps, c'est pas grave parce que... Tu peux reprendre ta guitare et monter sur scène. Ça, de toute façon, c'est pas de problème. Et grâce aux premières parties. Parce qu'avant ça, je croyais que sans les autres... Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire sans mes musiciens? Et tout le monde me disait, mais... Tu te rends pas compte qu'avec ta... Non, jamais d'aller. Et en fait, dès que j'étais obligée, parce qu'il n'y avait pas de budget, ils m'ont dit, où tu viens ça avec ta guitare ou tu peux pas? Je dis, quoi, je peux pas rater ça? Eh ben, je me lance. J'amène la gratte et on va placer devant le micro. Et là, il y a eu un déclic incroyable. Estás en mi voz. Yo estoy en tu mirada. El recuerdo de tu mano. vuelve y en todos mis sueños no te olvidará mi alma. Es como un hermano que yo te quiero, aunque ese amor no lo viviré como otra vez. Nada me hará olvidar la fuerza de amarte en mi corazón, la fuerza de amarte en mi corazón. Yo no te puedo contar cómo yo te quiero, cuántas veces he llorado. Música que te canto está sonando en el mar y te acompaña en el cielo. Es como un hermano que yo te quiero, hermano, como te quiero, aunque ese amor no lo viviré como otra vez. Me hará olvidar la fuerza de amarte en mi corazón, la fuerza de amarte en mi corazón. Yo sé bien que tú eres feliz en ese otro mundo, donde tienes una amiga que te mira con mis ojos. Estamos separados solo por un momento. Esperate, me llevará el amor de mi corazón. Es como un hermano que yo te quiero, hermano, como te quiero, aunque si amo no vivir como otra vez. Nada me hará olvidar la fuerza de amarte en mi corazón, la fuerza de amar en mi corazón. Es como un hermano que yo te quiero, hermano, como te quiero, aunque ese amor no lo viviré como otra vez. Nada me hará olvidar la fuerza de amarte en mi corazón, de amarte en mi corazón. Es como un hermano que yo te quiero. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. We'll be right back. Here it never rains in Los Angeles. Here it never rains in Los Angeles. Here it never rains in Los Angeles. We are the future. We are the future. We are the future. We are the future. Thank you. si tu étais un liquide? Un liquide? Une huile. Une huile pour le corps. Une huile essentielle? Oui, une huile essentielle, bien sûr. Si tu étais une ville... Ah, oh, je sais déjà la réponse. Une ville? Oui. Ah oui, il y a une hésitation. Pays ou ville? Ville. Ah ben, je sais pas. Oui, Brésil, ben oui, peut-être Rio, ça... Rio, mais Rio, je connais pas, alors je sais pas. Mais Brésil? Par rêve, ah oui, pays Brésil, ouais. Ah oui. Si tu étais une langue. Si j'étais une langue, ben je serais douce, hein. Douce et à l'écoute. Et à l'écoute, exactement. Si tu étais une époque. C'est dur. Ah non, une époque. Ah ouais, les années 40. Parce que l'élégance, parce que le cinéma, parce que tout ce côté qu'on n'a plus, même au niveau de l'esthétique, tout était beau, bien sûr, superficiellement. Je parle au niveau des photos, par exemple, ouais. Là, sur Barbara, moi je vais me faire un look Rita Hayworth. c'est la Barbara sexy, sensuelle. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais ça, on l'oublie. Hein. On présente plutôt la Barbara tourmentée. Et j'aurais dû vous amener cet album-là de Marcella Ciel. Les photos qu'il y a dedans, on ne croit pas. C'est pas du tout Barbara. Elle a les cheveux longs. Elle est hyper sexy. On dirait une égyptienne. Ah, ouais. Elle a les cheveux longs crantés. Mais je vais me procurer une disque, donc je vais le voir. Crantés comme ça. Ah oui. Et moi, c'est celle-là. Ah, mais je vais l'acheter. Alors. C'est celui. Alors, ça s'appelle Barbara. À l'atelier. Alors, c'est à l'atelier Marcella Stier. Et c'est sur quelle étiquette? C'est Harmonia Mundi. Mais attention, c'est une répétition, donc on entend les cracks, on entend... J'ai un album de Léo Ferré, il était au piano, il répétait des chansons qui n'ont jamais été indiquées, sauf que c'est une captation de chez lui avec un magnéto comme ça, et on entend son pépé, son singe qui gueulait, et à un moment donné, on sonne à la porte. Et le seul qui va... Si tu étais passé Léo Ferré, là. Alors, Ferré, il a chanté avec Francis Lalanne, là, je m'en rappelle. Hein. Ouais. Voilà, c'était un petit peu son fils spirituel. Ouais. Il aimait beaucoup. Ouais. Si tu étais un mot? Liberté. Il y a une belle chanson de Québécois qui s'appelle Liberté. Richard Desjardins. Ah ouais. Liberté, ça laisse tellement monter. Alors... Justement, je finis mon spectacle, mais je te fais des confidences. Oui, là, oui, oui. Oui. Sur une chanson de Barbara, oui. Que personne ne connaît, s'appelle Liberté. Ah oui? Elle tape comme ça sur son piano, elle fait des percussions. Elle dit, comme j'avais pas de musicien, j'ai tapé son... Oh, le texte. Et ça c'est sur l'album que je vais me procurer. Non, okay. Ça, je l'ai découvert en cherchant les voyages, toutes ces chansons-là. Et une chanson qui s'appelle La fleur, la source et l'amour, c'est magnifique. Oh. Thomas, j'ai pas de batterie, mais je vais te l'envoyer le projet, oui. Mais j'aurais aimé te faire écouter un petit peu. J'écouterai ça attentivement à la maison. Ouais. C'est plus solennel, plus tranquille. Et donc, je finis le spectacle sur Liberté. En tapant quand même? En tapant sur... Ben, là, c'est avec des palmas. Ah, oui, ok. Tous les musiciens, Liberté, Liberté, qu'as-tu fait, Liberté? Encore d'actualité, elle chantait ça en 60. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit c'est trop fort, quoi. C'est-tu elle qui l'a composé? Je pense que c'est du Moustaki, ça, non? Non. Okay. Ah non, c'est pas ma liberté. Okay. Non, okay. C'est un texte. C'est une autre liberté. C'est un texte sur la guerre, sur les enfants, sur où tu es, liberté. On a besoin de toi, tu n'es jamais là quand il faut. Enfin, mais bon, on croit en toi quand même, on ne va pas arrêter de croire en toi. Mais avec des mots hyper violents. Enfin, percutant. Si tu étais un aliment. Un animal? Un aliment. Ah, un aliment. Un aliment, j'aime bien le sashimi, les sushis, poisson cru, j'aime bien. Oui, oui. Japonais. C'est très frais quand il fait chaud, ça fait du bien, c'est pas lourd. Si tu étais, bon, c'est déjà la réponse, si tu étais une saison. Ah, une saison, j'adore le printemps. Et l'été, bien sûr, j'aime aussi. Tout venir le printemps, c'est. L'hiver a été difficile, le printemps amène l'espérance. Mais j'aime bien toutes les saisons, mais c'est vrai que si on peut en choisir une, j'aime bien la chaleur. J'aime bien le soleil, qui rend les gens en même temps plus gais. Ouais. Dehors, ils sortent, on est plus léger, ouais. On sent plus notre corps, on est plus vibrationnel. Ouais. L'hiver, ouais. pour ça que c'est dur. Ouais. Parce que ouais. On n'a pas le temps de communiquer parce que c'est dur. Vous savez ce que c'est. Mais en même temps, si j'avais vécu au Québec, peut-être j'aurais dit j'aime l'hiver. Hein. Oh, oui, je ne sais pas. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Comme disait Fignon. Tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Je le suis, non? Un membre corporel. C'est l'entité. Ben, les mains. Oui. Important. Oui. Si tu étais un moment de la journée. Ah, joli. Un moment de la journée. J'aime bien l'heure du déjeuner. Ah oui? Puis vous, c'est bien? Plutôt 14h. Ah oui? Oh, tu déjeunes? Oui. Okay. Oh, oui. Madame est plus tardive. Parce qu'on se couche tard. Oui. Ah, t'es pas une fille du matin, toi? Ah non. Okay. Alors ça, c'est horrible, parce que quand on me dit rendez-vous le matin, je... d'office, moi, c'est non. C'est ça. Mais il faudrait que je désimprime. C'est dommage. Mais en même temps, quand on est habitué de vivre ici, pourquoi changer? Et j'aime bien, je suis nocturne aussi. J'aime bien aussi la nuit. Ah oui. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Ah oui. Merci mon Dieu, j'ai une chance incroyable de vivre de ma passion. Mmh. Et c'est en un même luxe, temps, c'est un luxe. Franchement, oui, c'est un luxe. Aujourd'hui, je m'en rends compte quand je vois les jeunes, comment ils rament, ils font des boulots à côté. Ah, et ouais, puis ouais, surtout, ouais. De toujours avoir eu la reconnaissance. Parce que je pense que si le public voilà, m'avait... J'ai jamais, franchement, en toute humilité, essuyé un échec. Jamais on ne m'a pas applaudi, jamais. C'est ce côté-là que j'ai eu de la chance. Ouais. Parce que moi, si j'avais eu des échecs, j'aurais arrêté, je crois. Parce que je ne peux pas supporter que les gens ne soient pas heureux. Enfin, moi, mon but, soyons heureux. J'ai toujours pensé à rendre heureux les gens, avant même de me faire plaisir. Oh. Et là, sur le coup de Barbara, j'ai dit d'abord, je me fais plaisir. Et s'ils aiment, ils aiment, s'ils n'aiment pas. On peut pas aimer si ça vient du cœur. Hein? Bah, j'espère. Et ça, le projet avance rapidement ou comme les autres, c'est lent et... Oui, parce que c'est nouveau. Oui. Mais ça y est, non. J'ai fait l'album. Tout est prêt. L'album est prêt. Tout n'est pas prêt parce que maintenant, il faut que j'aborde un côté que je ne connais pas, c'est le théâtre. Parce que c'est un spectacle. Est-ce que ça a été indiqué? Oui, c'est un disque et un spectacle. Il est indiqué, il est prêt. Oui, il est prêt. Mais il faut qu'il sorte en même temps que le spectacle. Ok, le concept. Voilà. As-tu trouvé une maison de production? Pas encore. Ah, c'est ça. Non. Là, maintenant, avec Bruel, qui est... Patrick Bruel, qui a sorti un truc à bout de Barbara. Donc maintenant, quand je dis que je fais un truc de Barbara, on me dit, ah, comme Patrick Bruel. Alors que moi, ça fait des années. Non, ça n'a rien à voir, mais... Malgré tout, les gens. C'est pas pour critiquer. Non, non. Mais chanter les chansons de femmes, les gueules noires, tout ça. Il aurait. Et puis les arrangements qui plombent. Qui plombent. J'en ai écouté deux. C'est pas vrai. C'est trop sombre. Ouais. Et c'est trop commercial. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est faire son Jacques Brel. Il veut faire son Jacques Brel. Il veut se présenter. Et moi, à chaque fois, on me dit maintenant, donc c'est faites comme Bruel. Je dis ben non, c'est pas du tout. Vous n'avez pas encore écouté, attendez avant que. Voilà, moi, c'est plus... et en plus, c'est sans piano, donc c'est une guitare, une contrebasse et une percussion. Et les textes et les chansons. Quoi. Et donc maintenant, je répète mon théâtre. Quoi. Et les t'es scènes, avancé dans le processus? Est-ce que c'est presque terminé? J'ai bien avancé. Là, je suis en train de faire l'EPK, okay, ouais. Pour présenter le projet, que je vais lancer déjà en premier, pour expliquer. Et normalement, c'est à la rentrée, vers octobre, novembre, maximum décembre, tout est booké. Et tu es sur scène, à partir du mois de décembre. Ah oui, maximum. J'ai déjà un théâtre où je vais être en résidence. Où, à Paris? À Paris, un tout petit théâtre. À quel endroit? Dans le 20e. Oui. Ça s'appelle Les Rendez-vous d'ailleurs, c'est un tout petit truc. Ah, c'est à côté du boulevard Mortier, dans ce coin-là. Exactement. Et après, je ferai un showcase dans un plus grand théâtre. Mais là, ça me permet de répéter avec les musiciens, d'être en résidence parce que le gars, il m'aime bien, donc il me laisse le théâtre. Olé, yeah, olé, ya, que rico si es bar la cumbia. Olé, yeah, olé, ya, hasta la mañana. Cumbia, linda, que buena eres para gozar. días, lunas, al son de los cumbas. Niña hermosa, escucha nuestra rítmica, baila cumbia, caliente está la noche, señora. Cuando la gente ya no tiene fe, ni en su trabajo ni en su vida, en vez de tomar toda la noche, mejor es bailar cumbia. Lindos colores tiene la fiesta, buenos ritmos, buenos perfumes. El pueblo te lleva con su sabor, alegría y amor. Oleye, oleya, qué rico si es bailar cumbia. Oleye, oleya, hasta la mañana. Niña hermosa, escucha nuestra rítmica, baila cumbia, caliente está la noche, señora. Y si alguien te quiere dar un beso, no le digas, pero ¿qué es eso? Parandé, paranda, como suenan las gaitas. Oleye, oleya, ritmo, sabor, libertad. Oleye, oleya, qué rico si es para la cumbia. Oleye, oleya, hasta la mañana. Niña hermosa, escucha nuestra rítmica, baila, baila cumbia, cállate esta la noche, señora. Yes. Hasta la mañana, cumbia linda, qué buena ver es para gozar. Días, lunas, al son de los cumbas. Niña hermosa, escucha nuestra rítmica, baila cumbia, caliente está la noche, señora. When you are ready, have what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me, left as I fall to my knees. Control this empty delusion, lost in the fire below. And you come running, your eyes will be open. And when you come back, I'll be as you want me, only so eager to please. My little song will keep you beside me, thinking your name as I sing. Say it back to me. Say it back to me. Now you can't help it if you have been tempted by fruit hanging ripe on the tree. And I feel useless, don't care what the truth is. You will be here come the day. Truth, do you hear me? Don't try to come near me. So tired, I sleep through the light. If you desire to lay here beside me, come to my sweet melody. Sing it back. Errance Rinaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Mais ça va être un truc très simple, hein. J'ai pas les moyens de. Pour le moment, mais malheureusement. Si ça fonctionne, peut-être que la modification va s'opérer. J'espère, mais c'est très difficile parce que. Combien de places, ce théâtre? 100, 100, 100. Oui, 80. 80, ah oui. Mais l'autre que je vais faire, il a 150. Non. Et après, si ça marche, je ferai un théâtre de 300, 350. Mais après, il faut remplir. Hein. Il faut amener le projet à Québec, au Québec. Mais oui. Eh ouais. On va donner le goût aux CKRLiens, des gens qui écoutent CKRL. Et à travers ça, il y a des maisons de production qui nous écoutent, il y a des maisons de théâtre qui peuvent peut-être bien sûr, voilà, c'est ça. Donc, ils ont juste à passer par moi et je vais te remettre toutes les informations. Mais écoute, ça serait génial parce que on va travailler vraiment, c'est un truc qui me tient à cœur. Mais alors, et ça s'entend, ça s'entend. Je suis plus que dedans. Non, parce que je suis contente de ne pas être tombée dans la caricature de Barbara, le truc sombre, le truc... Et même, j'ai vu plein d'hommages à Barbara où... Il y en a actuellement. Oui, avec Romanelli, mais lui, c'est légitime. Il a une histoire. Ouais. Donc, il joue avec sa femme, d'ailleurs. C'est très bizarre. Ouais. Il joue Barbara. Mais c'est bien. Mais pour moi, c'est trop triste. C'est trop... Oui, mais Barbara n'a jamais été oubliée. C'est ça qui est merveilleux. Et dans un an, c'est les 20 ans de sa mort. Alors là, ils vont tous se déchaîner. Déjà, oui, mais ce serait bien de sortir ça. Mais en même temps, tu ne veux pas non plus que ça devienne... un produit parmi tant d'autres de Barbara? Non, ça ne peut pas l'être, parce que tout le monde a fait Barbara avec un piano. Et toi, tu veux que ça serve de tremplin pour... Oui, pour faire... Ça fait déjà... J'avais commencé à enregistrer, mais après, sur ma route, tu voilà... J'avais 30 ans quand elle est décédée. Je pensais que ça ne faisait même pas de temps passe. Mais non, donc c'est cette histoire de Marcel Astier qui m'a remis. J'ai dit, mais non, il faut que je finisse. Ouais. Je suis rentrée de là. J'ai dit à Marquito qui travaillait avec moi, j'ai dit, retrouve-moi ce qu'on a enregistré là. Il me dit, mais jamais je vais retrouver, c'était sur des Revox. Ah oui, les gros rubans. Il me dit, t'as de la chance, j'ai retrouvé un truc, j'avais fait guitare-voix à l'époque. Mais c'est les meilleurs, hein, les j'ai dit, mais c'est pas croyable. Et ensuite, je joue dans un endroit, le gars il me dit, je fais mon concert Fuego. Ouais. Le gars il me dit, tu fais pas de la chanson française, tu fais pas un hommage à Barbara. J'ai dit, si. Et en fait, il se déclic aussi, j'ai dit. Il me dit, parce que les gens, même si t'es pas connu, dès qu'ils voient qu'il y a un hommage à Brel, ils viennent pour réécouter les chansons et c'est plein. Ouais. Alors j'ai dit, mais encore lui, le truc. Mais par contre, j'attendais l'idée du voyage. Parce que sortir un truc de Barbara comme ça... Il fallait que tu trouves le fil conducteur. Voilà. Et lié. Mais je t'enverrai tout ça, je t'enverrai... Très curieux. Et puis tu écouteras, et puis je suis très curieuse. Je voudrais vraiment que tu me dises ce que tu en penses, parce que... Les auditeurs aussi vont m'envoyer des courriels, je reçois beaucoup de courriels, parce que j'invite des artistes, des chanteurs, des chanteuses, et on commente, et je réenvoie aux artistes ce que je reçois. Ah ouais, c'est génial! Comme ça, avec l'adresse courriel, donc la personne, l'artiste peut écrire directement, et des fois ça donne les auditeurs... Ce qui est rigolo, c'est que les auditrices et les auditeurs ne savent pas que j'envoie ça à l'artiste, et lorsqu'elles reçoivent le courriel, je reçois un message. Ah, tu l'as envoyé. Ah oui, sympa. Je trouve ça important parce que c'est une communication entre toi et le public et non pas moi. J'étais uniquement la personne qui a passé. Je suis un passeur, mais je suis pas l'artiste. Mais justement, moi, alors à moi de poser des questions. Oui. Donc, toi, tu es tombé sur moi à l'émission de Serge Levaillant. Et ça passe au Québec? Internet. Bien sûr. Ah, il m'a invité plusieurs fois. En balado diffusion, on peut le télécharger. C'est et ça. J'ai plein d'émissions de Serge Levaillant. C'était génial. Oui. J'aimais beaucoup. Oui. Et j'en ai fait trois avec lui. Il m'aimait bien. Il m'a invité à aller dans son beau. À sa campagne. Ah. Mais c'est quand même 3 heures. Donc 3 heures à aller. D'accord. Il dit on va manger du crabe. Il adore, c'est un fan. Oui, mais tout le monde avait peur de lui. Mais avec moi, il était. Respect. Ben, c'est parce que c'est un gars imprévisible. Mais avec moi, il a été adorable. Oui, parce que ici, on connaît le talent. Quand c'est des gens qui jouent la vedette et qui ne méritent même pas de jouer la vedette, il les ramasse. On dit ça, il les ramasse. Puis Et je sais qu'à un moment, j'ai fait un duo sur Fuego avec un artiste qui s'appelle Yves Jamais. Ah oui, ben oui, Yves Jamais, de verre en verre. Ah non, non, non. Excellent. J'ai dû le... Voilà. J'ai essayé de le rencontrer. Son manager m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai attendu le courriel et c'est jamais arrivé. Alors, Yves Jamais, grand moment. Yves Jamais a tourné au Canada. Hein? Oui, au Québec. Et donc, la personne, Marquito, avec qui je travaille, c'est son batteur. Okay. Donc, quand j'ai fait l'album, je faisais ses premières parties. D'ailleurs, le public d'Yves Jamais, ils m'ont adoré aussi. Okay. Alors, ouais, mais alors qu'on ne fait pas du tout. Mais la fusion des univers, les gens, ils ont adoré. C'est la musique du cœur. Yves Jamais, c'est la musique du cœur. Voilà. Et toi aussi, c'est la musique voilà. du cœur. Même si ce n'est pas le même rythme, mais la même musique. Mais tu as écouté il y a le duo qu'on a sur l'album, non. Il s'appelle Inch'Allah. Non, mais je vais. Voilà. Avec tu regarderas le truc. Et c'est la seule chanson en français qu'il y a. Et on a fait une émission justement où il était invité et on a fait. Et il m'a invité le Vaillant. Oui, oui, oui, oui, oui. Et jamais bon. Il faisait des spectacles même en studio. Les gens amenaient leurs grappes. Mais c'est ce qu'on a fait, oui, a, oui, bien oui, sûr. Oui. On a... C'est là que je te connais. Et donc avec Yves Jamais, il dit avec Jamais. Mais alors avec Claudia Meyer, vous avez fait un titre, mais pourquoi vous faites pas un clip ensemble, vous faites pas la promo avec elle? Evelyn. Mais c'est un gars qui était pas gêné. Oui, moi j'étais gênée parce que jamais je lui aurais dit, parce qu'il lui sort son truc. Ouais. Et c'est dommage parce que ce titre-là, il commençait à prendre, et la maison de disques, parce que j'ai pris un attaché de presse, ça ouais. commençait à passer en radio ouais, et ouais. tout ça, ils nous ont dit d'arrêter. Ben parce qu'il ne jamais sortait son album, il ne voulait pas que ça fasse double emploi. Ces abrutis. Alors que voilà, bon. En tout cas, c'est un artiste que j'adore. Ah oui. Et d'ailleurs, quand je parlais de Marquito, c'est parce que c'est mon mari en même temps. Ah. Et c'est lui qui a réalisé, qui a mixé les albums d'Yves Jamais aussi. Donc, et j'ai fait ses premières parties, c'était génial. Ah ouais. Le public, c'est encore autre chose. Très attentif, très attentif. Il a dit, ah, c'est une vraie chanteuse, c'est un vrai... Le PK de Fuego aussi, où il dit tout ça. Donc, j'ai rencontré aussi des artistes extra. D'univers différents et où je m'adapte toujours, où je suis toujours c'est là, ça, moi. C'est ça l'intérêt. Et toi, tu peux facilement tu peux changer de style sans aucun problème. Et c'est ça ton grand... Et donc, thème. Après Le Vaillant, tu as regardé un petit peu des... Qu'est-ce que tu as... À propos de toi? Oui. Ben, la recherche fait en sorte que moi, quand j'aime un artiste, Internet est là pour me faire d'accord. partager. Et j'ai regardé des clips, j'ai regardé ton univers, d'accord. j'ai regardé des bios de certains sites Internet. C'est à partir de là, il y a 3 ans, j'ai essayé de communiquer avec toi, ça n'a pas fonctionné. Il y a 2 ans. D'accord, d'accord. L'année dernière, okay. ça n'a pas fonctionné. Et cette année, ça a passé un peu. Mais quand tu me parles de l'album, le deuxième, tu as dit, qu'est-ce que tu as écouté du... Enfin, tu as écouté des morceaux du deuxième? Oui, oui. Oui, avec une amie qui vous adore. Donc, c'est pour ça qu'on a remarqué. Et vous connaissiez le premier aussi? Oui, mais avec Internet. D'accord, sur Deezer, en fait. En fait, c'est sur YouTube. Ils ont placé une image de l'album et la chanson joue. Vous avez pas vu ça? Oui, mais une seule chanson. Ah non, il y en a 6 disponibles. Vous ne le saviez pas? Entrez votre nom sur YouTube, vous allez voir toutes les chansons qui... Parce ben que oui. sur Deezer, il y a mes albums. Ah non, Deezer, non, là, c'est YouTube. D'accord. Ouais, ouais. Et c'est de là l'intérêt. Parce qu'il faut que vous l'écoutiez. Oui, ben oui. En entier pour voir, oui, voilà. La continuité. Eh bien, super. Ben, merci d'être passé. Ben, je suis très contente, en tout cas, de t'avoir connu. Et enfin, puis, enfin. Il faut absolument qu'on reste en contact. Oui, ben, on est toujours sur Facebook, on est amis. Donc, mais si je veux tomber... Alors, est-ce que, par exemple, si je vais à Québec, on peut faire une radio en live? Ben oui, c'est KRL. C'est KRL. Ben oui. Et est-ce que, l'émission par exemple... du retour à la maison, c'est une émission culturelle, donc on super. A demandé ça. Et est-ce que tu connais pas des radios susceptibles Moi, je connais une dame qui s'appelle, je ne sais pas si vous la connaissez, Monique Giroux. Monique Giroux. Oui. Ben, elle a une émission à Radio-Canada. Oui. Monique Giroux, je lui ai laissé un album. J'ai été jusqu'à la maison de disques, là. Ouais, elle m'a répondu. Elle m'avait laissé ses coordonnées. Elle adore Morane. Ben, mais dites-lui que vous êtes à Montréal, du blablabla. Mettez les dates, puis vous allez avoir une réponse. Elle m'a jamais répondu. Non, mais parce qu'elle reçoit un flot d'informations. Oui, c'est ça. En plus, c'est l'animatrice qui filtre la chanson française, donc elle en reçoit des jeunes, des moins non, jeunes. Non, c'est pour ça qu'il vaut mieux passer par des choses moins importantes. Mais je vais m'en occuper, je vais vérifier qu'est-ce qu'il y a. Moins important, parce que je compte vraiment venir En plus, disons que ta soeur est à Montréal. Donc mon frère, oui. Ah, ton frère, oui. Donc, je peux vraiment venir pour faire la promo là-bas. Oui. Et puis peut-être... de sortir de Barbara. Bien, c'est ça que je vais faire. Okay. Ah non, là, c'est... C'est la bon. Concentration, c'est Barbara. Voilà. Hey, mais merci d'être passé. Merci beaucoup, Rénal. Et puis, je suis vraiment ravie de... Moi aussi. Mi amor, serás de mi corazón. Esperas de la vida ahora algo más que bailar. Tú eres mi amiga, inocente María. Hay amores por un momento y sueñas de otro lado. María va por la noche, danza, bailas, cantarás. Bailas por la noche con el mar. Mi amor, tienes adentro un dolor. Bailas por la noche con el mar, con el mar. Es tiempo de cambiar, escucha tu corazón. Es la vida, no es solo un sueño, entrégate a la razón. Otro mundo habrá que pintar, todo un multicolor. Una historia para soñar. Los hijos del amor. Mariana, por la noche danza, bailas, cantarás. Bailas por la noche con el mar. María, mi amor, tienes adentro un dolor. Bailas por la noche con el mar. Con el mar. Bailas, cantarás. Bailas por la noche con el mar. María, mi amor, tienes adentro un dolor. Bailas por la noche con el mar. Con el mar. Bailas, baila por la noche. Danza, bailas, cantarás. Bailas por la noche con el mar. María, chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.